prononcer. 1. Il va dans la cuisine. 2. Ils ont dit oui. 3. C'est bruyant ici. 4. Louis est venu. 5. Ils arrivent aujourd'hui.